chat. Entre beurrettes. Ok. Tu sais que je fais tout pour plaire, mais la vie ne m'aime pas. C'est peut-être l'absence de mon père qui m'a poussé à devenir comme ça. J'écoute plus personne et je mange la vie comme un plat. Bientôt j'arrête le son et je me concentre qu'à là. Ouais j'ai mal, ouais j'ai des soucis. Ma mère, ma seule femme, le reste éclate la poussie. On me dit j'ai changé, en gros je suis plus le même. Ok je vais aller à la mairie et je vais plus m'appeler Sofiane. Changer pour vous, MDR, LOL. Je préfère encore ma tête tapée contre le ZLOL. Moi c'est Paris et toi c'est l'OM. Je rappe pour ceux qui m'aiment, ça le temps prend exemple sur ma cousine Imène. Et celle d'où je fais mon chemin. Dans le quartier ça bicrave entre black, blanqueur ou roumain. C'est pas de leur faute si je suis malheureux, ma soeur. Financièrement ça va pas, c'est que putain de bif et le bonheur. Que quelqu'un ose me dire le contraire, je te pousserai par les cheveux dans les yeux de sa mère. Je rappe pour Bill et les Samir, je sens que ça essaie de me salir. Je parle au parleur de Zatrid, cette salope m'a fait souffrir. L'argent sale est facile, donc forcément ça t'attire. T'es le premier à mourir quand dans le quartier ça s'attire. J'annonce de sortir un album et vaccine en plus 4. Tu sors de chez toi pour aller au taf, tu vois les plus grades. Le gétan fait sa loi, on te boutit t'es pas d'ici. Même le clavier me remercie de ce que j'écris. 48 city, je viens de là où les darons font les courses à Lidl. Où tous les jeunes de la thèse veulent être les leaders. Va mettre ton lit dehors, histoire de comprendre les SDF. Tu me verras jamais avec eux, comme Hitler et GDF. J'suis débordé, faut que les poètes, y'a trop d'histoires. J'prends mes cauchemars pour un rêve et mes rêves pour un cauchemar. J'me couche tard, j'dors quand le soleil se lève. Toute la nuit ça cogite mon cerveau avec mes lèvres. Crois-moi j'suis pas con, c'est pas des soucis qui vont m'inciter à sauter du balcon. J'ai pas attendu les compas pour savoir que le monde tombe pas rond.